L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. La permaculture, vous connaissez ? C'est une méthode agronomique très économe en énergie, adaptée à son environnement, qui ne laboure pas la terre, qui ne laisse jamais une terre nue et qui vise à créer un écosystème varié, à l'inverse de la monoculture chimique. La permaculture est en plus très productive et les agriculteurs peuvent vivre sur de plus petites surfaces, bref, le paradis sur terre. Pour en savoir plus, nous vous proposons de découvrir l'exploitation de Jérémy Kuzminski, un jeune maraîcher plein d'enthousiasme. Alors, bonne écoute à vous. Alors toi, tu es maraîcher ? Oui, maraîcher bio depuis 6 ans, les tout débuts ici, oui. Alors c'est minuscule ici, comment tu fais pour vivre ? Il y a quoi ? Il y a combien ici ? Ben là, à la base, c'est donc une prairie qui appartient à mes parents, donc il y a 6 ans, une prairie de 5000 m². Et donc, je suis parti dans l'idée de la mettre en culture. Donc, j'ai planté des arbres fruitiers. Et donc, l'idée, c'était de produire du légume en permaculture, de manière évidemment biologique. Et donc, de pouvoir développer et vendre ma production dans la vallée, là. Normalement, un maraîcher normal, conventionnel, il lui faut combien pour vivre ? Généralement, quand tu pars sur un projet à moins d'un hectare, 1,5 hectare, on va dire, on te regarde un peu de travers, en te disant de toute façon que ça ne marchera pas. Donc ça, c'est le circuit conventionnel, hein, même en bio, il faut 1,5 hectare pour vivre, ça c'est la base. Alors nous, on est en train de démontrer que non, mais on n'est pas les seuls. Hein. Ça commence à se savoir qu'on peut vivre de son travail sur une petite parcelle. Alors ici, en plus, la particularité que ça, c'est que même si tu es en bas des montagnes, tu es quand même près des montagnes, donc c'est pas les meilleures conditions pour faire du maraîchage. Hein. C'est toujours les endroits où ça a été difficile de faire des céréales, de faire ce genre de culture. Bon, maintenant, il y a les serres, hein, que n'avaient pas tes ancêtres. Donc, t'as mis en place 3 serres, c'est ça le secret ? Ah, le secret, non. Disons que la serre, pour s'installer maraîcher, la serre, c'est indispensable. Hein. Si on veut vivre de son boulot, hein, ça permet d'augmenter quand même la productivité, de se protéger de diverses maladies sur les tomates, qui sont le revenu principal. Il y a pas mal de choses intéressantes avec les serres, donc oui, c'est indispensable. Mais déjà, avant, il y avait quand même, même il y a très longtemps, hein, dans les vallées comme ici, une belle diversité que ce soit en termes de céréales, en termes de fruitiers, en termes de vignes, il y avait beaucoup de choses qui n'existent plus. Aujourd'hui, on est sur un système agro-pastoral avec des prés et du maïs. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Donc ici, effectivement, on est à 500 mètres d'altitude, un peu moins. On a des conditions valiennes, mais le climat, simplement, il faut faire un peu plus attention aux gelées tardives en automne, aux gelées précoces au printemps. Voilà, donc ça nous pose un peu plus problème. Donc, on a acheté quelques voiles de forçage pour protéger les cultures sensibles. Qu'est-ce que tu cultives justement ici ? Ah bah tout, hein, ce qui est possible. Tout ce qui est possible. Au départ, parce qu'on est deux, hein, j'ai un associé. On est parti, à la base, je crois qu'il y avait une quarantaine de légumes, de variétés de légumes. Bon, avec certains qu'on a plus ou moins réussi, d'autres qu'on a... Disons, quand on voyait que ça, soit on les réussissait pas trop, ou soit ça se vend moins, on en fait en moins grosse quantité, mais on cultive la diversité. On devient maraîcher en maraîchant. Ouais, pour moi, c'est clair et net. Hein. C'est-à-dire que la formation s'est faite sur le tas. La première serre a été montée la deuxième année. J'ai appris beaucoup dans les bouquins. Mon collègue, lui, a fait une formation en maraîchage bio. Il nous a amené un certain savoir-faire aussi, on va dire, plus conventionnel, qui est quand même nécessaire, hein, certaines choses à savoir. Pour que ça avance, pour que ça évite que ce soit trop poétique. Ouais, c'est ça. Voilà, on est toujours là sur un chemin de crête à essayer de trouver des expériences, trouver des alternatives pour limiter déjà les intrants. Déjà, nous, on n'en a presque plus aujourd'hui. Pour ne pas travailler le sol. Alors ça, tu vas me raconter parce que c'est vraiment le truc d'ici. Ouais. C'est pour ça qu'on est venu te voir et qu'on n'est pas allé voir quelqu'un d'autre. Notre maraîcher bio, c'est que tu es en permaculture, qui est donc une façon de cultiver, qui est assez récente, même si certains ont laissé depuis quelques années. On pense en particulier à la ferme du Bec-et-Loin en Normandie, qui a prouvé d'ailleurs la force de la permaculture. Et si on est venu te voir, c'est qu'on voulait que tu nous expliques, que tu expliques aux auditeurs qu'est-ce que c'est que la permaculture. Parce qu'on entend beaucoup parler. Alors je suppose qu'il doit y avoir plusieurs définitions, mais j'aimerais bien avoir la tienne déjà. Ouais, alors moi, de ce que j'en entends, je suis pas toujours d'accord en fait avec avec ce que j'en pense de la permaculture. Pour moi, c'est déjà c'est avant de parler de jardin en permaculture, c'est pour moi c'est déjà la philosophie qui est importante et le mode de vie qu'elle implique. L'idée, c'est de vivre en interaction avec son environnement dans une logique sans pétrole, déjà. Voilà, en limitant au maximum le recours aux énergies fossiles. Donc ça, c'est, donc ça, c'est plutôt pas mal, puisqu'on est sur un pic pétrolier. Donc c'est plutôt une idée d'avenir. T'es historien à la base, donc tu essaies de voir les choses un petit peu à long terme. Et toi, tu te dis pic pétrolier, donc ça serait bien sans pétrole. Oui, puis clairement, il faut arrêter, quoi. Voilà, il y a un moment, il va falloir y passer, hein. Donc ça, c'est une idée en permaculture, hein. Donc ensuite, ce qui va avec, c'est l'idée d'autonomie. Donc, c'est-à-dire que créer une ferme, un jardin résilient, ça veut dire aussi pas d'intrants chimiques, évidemment, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. C'est aussi ne pas être dépendant du pétrole, hein, et du cours des marchés. Et voilà. Ta ferme, tu la vois un petit peu comme un écosystème qui arrive à créer tout ce dont il a besoin. Alors ça, c'est l'idéal, mais c'est jamais possible en fait. Donc un écosystème, ouais, qui est le plus indépendant possible, mais qui est en interaction constante avec son environnement local, mais le plus local possible, quoi. C'est-à-dire que, bon, bah, je vais te donner des exemples concrets. Nous, par exemple, pour fertiliser notre sol, on va apporter, bon, déjà du fumier d'un paysan bio voisin. Voilà, on apporte énormément de matière organique. Sèche, donc de la paille, des copeaux de bois que des élagueurs paysagistes nous livrent du BRF, ce qu'on appelle du bois raméal fragmenté. Ils nous le livrent à domicile parce que voilà, on est ouvert tout le temps, ils peuvent venir, ça leur coûte rien parce qu'à la déchetterie ils doivent payer pour le livrer. Donc là tu vois, on utilise ça comme paillage, c'est aussi une manière donc d'une part d'enrichir le sol. Ça, c'est une base de la permaculture. Alors là, je rentre déjà un peu dans la technique, mais c'est vrai que voilà, c'est pour montrer que qu'on est en interaction, qu'on ne produit pas tout sur place, mais on fait avec l'environnement vraiment le plus proche possible. Ne pas être dépendant, c'est aussi oui être le moins dépendant possible des subventions, voilà, limiter son niveau, son taux d'endettement. Voilà, ça englobe aussi tout ça. On est aussi évidemment sur une logique de commercialisation, en circuit direct. Le plus proche possible. Là, on a un marché à 2 km, un autre à 7 km. Quoi. C'est pas, on va pas exporter nos produits, quoi. C'est pas la logique. T'arrives à tout écouler ? Ah oui, bah oui. Là, on peut y aller, hein, sur la production. Bah, déjà, on est les seuls, nous, dans la vallée. Okay. Ensuite, dans un rayon de 15 km, on va trouver un maraîcher bio plus conventionnel. Mais c'est très peu, quoi. Pour une vallée qui est quand même. D'une part, il y a beaucoup de tourisme en été, puis localement, il y a un certain nombre d'habitants quand même. Voilà, donc c'était un manque aussi. C'était aussi. Oui, et puis les agriculteurs locaux, justement, du fait des subventions, se dirigent plutôt vers des activités subventionnées, comme le maïs. Ouais, du fait des subventions, ouais. Donc, mais après, c'est traditionnellement ici aussi. C'est l'élevage, comme tu disais tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas sur une terre de maraîchage, et on nous l'a bien fait sentir dans le parcours d'installation, quand tu vas rencontrer les conseillers de la chambre d'agriculture et qu'ils ne comprennent pas pourquoi, puisque c'est une terre d'élevage, tu ne fais pas de l'élevage. Mais justement, voilà, justement, il faut apporter cette diversité-là. Et des fermes comme la nôtre, je pense que même dans la vallée, on pourrait en avoir deux ou trois sans problème, quoi. Et vivre tous bien. Oui, et vivre tous bien, oui. Enfin, à terme, parce que les débuts sont plus laborieux, mais... Mais on y arrivera, oui. D'autant que les gens se détournent quand même, on le sait, de plus en plus des légumes qui n'ont pas de goût et puis qui viennent de loin. Donc voilà, on en est là. Et qui tue. Et qui tue, ouais. Bah, le producteur, le consommateur, on est d'accord. Bon, on va faire une visite de ta serre, là. On va commencer par celle-là. Enfin, je sais pas s'il faut commencer par celle-là. Ah si, c'est la première, hein. D'accord. C'est ça, hein. Ah, c'est la première que vous avez construite. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Alors ouais. Ici, on a des petits godets, donc des petits pots, avec un petit doigt qui a poussé dans chacun et qui a placé une petite graine. Là, tu mets quoi ? Là, c'est de la courgette, là. D'accord. La courgette a germé, là. Donc ici, ouais. c'est la pépinière. C'est ça, c'est la pépinière. Donc là, il y a tous les semis de printemps et puis maintenant même d'été, hein, donc les tomates, aubergines, poivrons, courgettes, qu'est-ce qu'on a ? Betteraves, épinards, salades... Alors tu vas vers des variétés adaptées à l'environnement, je suppose ? Ouais, on a choisi nos variétés, déjà des variétés plus rustiques, on est sur des semences paysannes, donc pas de variétés F1 ou hybrides. Bon, on essaye aussi de refaire nos semences un maximum, toujours dans une idée d'autonomie. Alors avant de continuer notre balade dans tes serres, on va faire une petite pause musicale, c'est toi qui vas choisir ce qu'on va écouter. Un petit Bob Marley, ça me va bien. D'accord. Voilà, c'est détente là. En avant pour du Bob. Allez. Let's get together and feel alright. is only I'm a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no do. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Alors, retour avec Jérémy dans ses serres en permaculture. On va continuer à découvrir un petit peu avec toi ça. On a vu, donc, on vient de voir ici la pépinière, là où on plante les petites graines. Et après, rapidement, on arrive sur la première serre que tu as mise en place aussi pour la culture. Et donc, ici, ce qu'on voit face à nous, c'est des séries de. Comme des gros sillons, enfin, qui sont des grosses mottes, en fait, recouvertes de foin, pour le coup. Et par-dessus, des petits tuyaux qui doivent être certainement percés pour l'irrigation. C'est ça, pour le goutte-à-goutte. C'est ça. Donc là, sur les bords, tu as les salades pour le printemps, là, qui poussent gentiment. Alors là, tu as enlevé la paille, par contre. Alors voilà, pour les plantations de salades, on s'est rendu compte que c'était plus simple et plus rapide pour nous, de travailler sur un sol nu. Du coup, on désherbe entre les rangs, on bine régulièrement. Et puis, je suppose, sous la paille, avec les salades, il y a beaucoup de limaces et de choses comme ça qui s'y mettent. Oui, alors oui, on a eu ce type de problème de limaces, évidemment. On a utilisé de l'anti-limaces bio pendant quelques années, d'ailleurs, parce que c'était trop. Alors, est-ce que c'était lié à la paille? C'est probable, mais pas que. Depuis l'an dernier, on n'a plus de problème. D'accord. Donc voilà, elles ont assez à manger avec l'environnement autour. Donc si elles interviennent, c'est de toute façon sur des individus plus faibles ou déjà malades. Donc là, on n'a pas de problème. J'ai plus besoin d'anti-limaces. Donc après, là, au centre, les buts que tu as mentionnés, c'est une sorte de lasagne. Hein, donc j'ai mis mon fumier, puisque je vais cultiver les tomates. Donc là, il me faut un apport. J'ai mis mon fumier, j'ai mis du carton parce qu'on était embêté avec une herbe vivace qui repousse tout le temps là, dans cette serre là, qu'on n'a pas réussi à éradiquer. Voilà. Donc plutôt que de l'éradiquer, je mets du carton. Carton, puis mon paillage foin par-dessus. Tu vas planter les tomates dans le foin? Voilà, je vais écarter un peu, tu vois, faire mon trou et je plante ici, on plante 400 pieds de tomates. Du coup, cette méthode-là implique du coup qu'il n'y a aucun travail du sol. C'est-à-dire que là, depuis 2 ans, j'ai plus besoin ni de greliner, ni de bêcher, ni de quoi que ce soit. Le sol est meuble, tout le temps travaillé, rempli de bestioles, enfin tout est vivant. Et une fois la saison passée, en fait, tu vas broyer tes pieds de tomates, tu les gardes sur place, parce qu'on dit qu'il ne faut pas le faire par rapport aux maladies, et tu vas remettre du carton et tu vas remettre de la paille? Là, je vais faire une rotation. Donc oui, je peux laisser mes pieds. On a laissé des pieds de tomates quand on n'est pas sur une fin de saison où il n'y a pas eu trop de mildiou. Donc effectivement, on laisse les pieds sur place, on laisse les déchets de culture sur place. Soit on vient repailler pour préparer la culture suivante, ou soit si on va passer sur de la salade, de l'épinard pour l'hiver ou autre, on retire tout ça sur les passe-pieds là, c'est-à-dire sur les allées. On va laisser composter ce paillage et puis voilà, on vient planter directement aussi. Alors là, on est à l'extérieur de la serre. Alors ici aussi, donc il y a des étendues que tu dois cultiver pour l'été, quoi, certainement, c'est ça? Là, il y a déjà une petite pépinière d'arbres fruitiers. Hein, donc depuis 2 ans, on plante des arbres fruitiers depuis 6 ans. Mmh. Et depuis 2 ans, on les greffe nous-mêmes. Donc on achète des porte-greffes. Et puis, donc c'est vrai que sur 2 hectares, on a du fruitier partout qui borde nos parcelles de légumes. Ouais, c'est-à-dire que là, on est devant des parcelles qui ressemblent plus à un verger, avec de l'herbe entre les arbres. Alors les arbres, autour des arbres, il y a des paillages, ouais. Mais entre les allées d'arbres, c'est de l'herbe. Alors là, c'est un engrais vert. C'est-à-dire que plutôt que de laisser le sol nu cet hiver ou de le pailler, on a semé un mélange d'avoine et de vesse, et qui du coup contribue à structurer le sol, à le protéger tout l'hiver. À l'aérer, donc à protéger les vers de terre qui vivent dessous. C'est ça, il y a une vie là, et puis la vesse apporte de l'azote aussi, donc ça fertilise aussi un petit peu le sol. Et cette parcelle, je vais y planter des courgettes, donc je vais simplement faucher ou pailler directement sur mon engrais vert. Voilà, mettre un peu de fumier pour voilà, pour la culture. Et... Donc tu ne retournes pas la terre. Pareil, hein, plus de labour. On a un motoculteur hein, qui nous sert de plus en plus occasionnellement, mais c'est vraiment très rare. Et là, là non, ça va être sur un sol vivant. C'est un verger. Ouais. Je pense que l'avantage de ces arbres, c'est qu'ils laissent passer le soleil en hiver, mais qu'en été, ils font un peu d'ombre, ce qui est pas mal quand il fait très chaud. Ça évite les insolations de tes cultures. Les feuilles doivent amener aussi un petit peu de vie. Les racines, peut-être. Parce que les gens te diraient, mettre des arbres au milieu du jardin, après, ça fait des racines quand on laboure, mais toi, tu laboures pas. Donc, qu'est-ce que ça amène, les racines ? Ah, les racines, bah, ça puise un peu, ça fait un peu de concurrence avec les légumes. Donc effectivement, on ne va pas planter forcément au pied. Hormis, comme on parlait de la rotation, de s'adapter justement, bah, au pied, comme tu disais, l'ombre va nous permettre de mettre des salades en plein été et des cultures qui aiment un peu la mi-ombre. Après, en termes de concurrence, on peut aussi parler de coopération, on ne sait pas trop là, on est dans des domaines de recherche là, qui commencent à travailler par exemple sur les mycorhizes, sur ce qui se passe dans le sol en termes de coopération entre les champignons, les plantes, tout ça. Donc là, c'est simplement observer et voir un peu comment ça se passe, parce qu'on ne sait pas vraiment en fait comment tout ça fonctionne. C'est pas simplement une plante à côté d'une autre plante va lui prendre toute l'eau, tous les nutriments et nuire à l'autre quoi. Il y a des symbioses à faire. Il y a des symbioses qui existent et donc voilà. Il y a des légumes qui vont bien se porter au pied d'un arbre et puis d'autres non. Et puis ça dépend si c'est un pêcher ou un pommier. Voilà, il y a tout ça en fait nous bah c'est on travaille de manière un peu c'est à l'expérience, c'est empirique hein, donc. Vous voyez. Et les arbres là, c'est pas que pour leur rôle qu'ils peuvent avoir avec leur interaction avec ce qui est cultivé en dessous, c'est pour vendre ce qui est dessus. Alors là, on est en zone de montagne. Tu me parles de pêcher. Ça va, ça marche bien le pêcher. Ouais. Ben en fait, une année où tu as une gelée précoce au printemps. Sur les fleurs, bon ben voilà, tu n'as pas de pêche et d'abricots, c'est sûr. Ouais. Mais ça nous arrive une année sur deux, et donc on a des abricots, des pêches. Puis après, on a surtout travaillé le poirier, le prunier, et puis la pomme, hein, évidemment. Et ça fait des légumes vendables ? En fruits, ouais. Tu veux dire ? Ouais. Pas encore là, non. On a démarré très très doucement l'an dernier, donc au bout de 5 ans. D'accord. Les arbres maintenant sont en capacité de produire. Ouais. Ok, donc pour l'instant, c'est pas rentré, vous avez réussi à vivre rien qu'avec les légumes ? Oui, alors on ne s'est pas tiré encore un salaire suffisant hein, pour nous, mais c'est en passe d'arriver. Puis on a eu une aide à l'installation, comme tout agriculteur, tout jeune agriculteur qui s'installe, que ce soit d'ailleurs en permaculture ou en élevage intensif, c'est la même. Et donc à ce niveau-là, pour l'instant, on s'en sort. Mais à partir de cette année, c'est bon, oui, on va être en capacité d'y arriver. Bon, ici, on est rentré dans les deux dernières serres, donc les deux dernières serres que vous avez fabriquées, je suppose. Ouais. Et donc là, ici, on a des blettes encore, puisqu'on est, à la fin de l'hiver. Des oignons derrière ou des... Oignons frais, ouais. Oignons et des artichauts. Ouais, il y a quelques artichauts ouais, qui se baladent là entre les deux serres. Non, après là, on a une serre qui est avec du légume primeur hein, pour le printemps, donc épinards, blettes, oignons, carottes. Et puis salade, et donc la deuxième serre qui sera aussi une serre à tomates, comme on a vu tout à l'heure. Et on voit, alors tu as fait pousser, chose que j'avais jamais vue dans une serre, tu fais pousser des plantes grimpantes, c'est de la vigne que tu fais pousser dans ta serre ? Ah c'est ça, ouais. On va avoir du raisin au milieu de nos tomates cette année. D'accord. Voilà, c'est la deux... enfin, on les a plantées l'hiver dernier, et oui, c'est... on a vu ça chez un autre maraîcher qui travaille un peu de cette façon-là, et voilà, ça va apporter pas mal d'avantages. Bah déjà, outre le raisin, c'est... Ça va faire un peu d'ombre en été. Faire un peu d'ombre en été, ouais, parce que les coups de chaleur sur les tomates, ça, c'est radical dans les serres. Alors pourquoi la tomate ? La tomate, parce que c'est le produit phare de l'été, parce que vous êtes dans une région touristique donc qui consomme beaucoup, et particulièrement en été, c'est ça ? Oh bah c'est, je pense que c'est général, la tomate c'est le légume on va dire qui a la meilleure valeur ajoutée en gros pour un maraîcher, c'est-à-dire c'est quand même c'est le légume le plus rentable. Alors pourquoi ? C'est vrai que beaucoup de gens en mangent et voilà, puis un pied de tomate peut te donner 3, 4, 5 kilos de tomates, donc c'est vrai que c'est le légume à ne pas rater quoi, dans la saison. D'accord. Voilà. Et par contre c'est un légume qui a besoin de beaucoup d'eau, alors ici il pleut mais bon tes tomates sont sous serre. Tonneau, elle vient d'où ? Alors là, nous, c'est particulier parce qu'on est branché sur le réseau d'eau potable pour l'instant, donc depuis le début en fait, parce qu'on a la chance d'être dans un coin où on a de l'eau en abondance. Pas traité, un village où l'eau n'est pas chère depuis très longtemps, très peu chère. Donc pour l'instant, ben voilà, on est branché sur le réseau parce que les conditions le permettent. Et puis ben, des sources souterraines hein, traversent le terrain. On a la possibilité de faire un puits et puis de capter notre propre eau. Donc ça, c'est dans les projets. Dans les projets, parce qu'on sait que de toute façon l'eau est sur le point d'augmenter de manière brutale. Et puis voilà, c'est toujours dans l'idée d'autonomie. Par contre, de l'eau, ben, nous on en utilise très peu hein, en tant que maraîcher. Même dans les serres, tu dis les tomates ont besoin de beaucoup d'eau, mais on ne va pas arroser beaucoup en fait. Puisque avec le goutte à goutte, on limite, puis surtout avec le paillage. Là, on peut regarder dessous, c'est humide. Voilà. Alors que tu n'as pas arrosé de l'hiver? J'ai arrosé un peu, légèrement, oui. Okay. Oui, de toute façon, toi, tu ressèmes tes graines de tomates? Bah oui, autant que possible. Cette année, on est à peu près sur, je pense, les deux tiers de nos tomates, ce sera nos semences, ouais. Parce que du coup, on a vu une expérience du côté d'Alès, justement, où il y a un maraîcher un peu fou, hein, qui a réussi à faire des tomates sans eau dans une région sèche, et simplement en sélectionnant d'année en année les pieds qui supportaient le mieux la sécheresse. Bon, alors, elles sont particulières, ces tomates, mais ça marche. Ouais, il paraît. Bah, du coup, cette année, ma sœur, justement, par l'intermédiaire de ma sœur, j'ai récupéré de ces graines. Donc, j'en ai planté aujourd'hui, là, ce matin. Donc on va faire des petites expériences avec, même si c'est pas le même climat évidemment, hein, mais voilà, ouais, c'est toujours intéressant. Puis c'est surtout, il montre une chose, oui, c'est que la sélection des semences, c'est plus qu'important, quoi. C'est aberrant de racheter tous les ans un semencier les mêmes semences alors qu'on peut les faire soi-même. Et puis sa sélection, c'est-à-dire des variétés qui évoluent et qui soient adaptées à son climat, son terroir, parce qu'on en parle beaucoup pour la vigne, mais pour toutes les cultures, il y a vraiment des terroirs particuliers et à 200 mètres, ce ne seraient pas les mêmes qu'ici, quoi. Ben ouais, exactement, ouais. Puis la transmission génétique qu'on connaît bien chez les humains, ça existe aussi chez les plantes, quoi. Donc une plante qui va vivre un climat toute l'année va transmettre les informations à sa descendance. Et c'est pareil pour les maladies liées à un terroir, qui vont être plus liées à un terroir. Ou voilà, enfin, il faut travailler là-dessus, absolument. Ouais. Donc ta définition de la permaculture, elle est quand même, on l'a vu, hein, tout autour de la visite, on voit beaucoup de formations qui se mettent en place en France, qui sont chères en plus en général, mais ça paraît très simple. Mais c'est si simple que ça, parce qu'en gros, ton truc, c'est juste rajouter un paillage par-dessus les trucs de l'année d'avant, sélectionner ses graines, mettre quelques arbres, faire venir des copeaux de bois et de la paille et du fumier. Bah, en fait, pour moi, la permaculture, c'est juste du bon sens, en fait. Il n'y a pas à chercher plus loin. Après, effectivement, les formations, ça va être souvent centré sur le design. Donc, c'est vrai que, bah, comme tu disais, selon les caractéristiques de telle zone dans ton terrain, tu vas plutôt y faire un élevage de poules, par exemple. Sur telle autre zone, tu vas plutôt tenter une culture de champignons. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est... Petit à petit, j'essaye aussi de visualiser, de faire ça. Je trouve que cet accent qui est mis sur le design en permaculture limite finalement un peu trop... La créativité, puis le démarrage. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Enfin, moi, j'ai démarré, tu sais, petit à petit, en faisant une touche par-ci, une touche par-là. Et ça marche très bien. Et pour moi, en fait, il faut faire, quoi. Il faut surtout faire. C'est-à-dire que même sur un petit potager, même pourquoi pas en ville, plutôt que d'aller se former... Enfin, c'est bien, hein, de se former, mais c'est pas du tout la seule manière de faire. Et puis la meilleure, c'est vraiment d'expérimenter soi-même. Et de pas se décourager, je suppose. Et de pas se décourager, ouais, bah nous, on était deux, donc c'est vrai que ça aide. Et c'est vrai que c'est un métier physique, mais on est tout le temps dehors, c'est... Enfin, moi, c'est le plaisir aussi. Hein. Puis au chaud, parce qu'en hiver, en fait, vous avez les serres, et il fait bon dans les serres. Ah, il fait bon quand il y a un rayon de soleil, mais sinon, il fait pas beaucoup meilleur qu'à l'extérieur. Mais voilà, tout ça fait que puis on mange sainement, voilà, tout ça, c'est du plaisir. Hein. Voilà. Donc pour pas se décourager, non, non, c'est plutôt... des fois, comment limiter son enthousiasme, parce qu'on a envie d'y être tout le temps au jardin, et voilà. Bon, donc la recette de la permaculture, c'est quelques livres pour toi et faire surtout. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Puis des bons livres, des bons auteurs. Alors, quelques références que tu voudrais donner aux apprentis, même pour leur petit jardin chez eux ou pour des gens qui voudraient se lancer en permaculture comme toi. Ouais, bah alors il y a les bases, c'est les deux Australiens qui ont défini le concept, c'est David Holmgren et Bill Mollison. donc qui ont écrit de très bons ouvrages sur le sujet, et que ce soit sur vraiment centré sur des techniques culturales plutôt, mmh. ou même sur la philosophie de la permaculture, donc ça peut aller même très très loin à l'heure actuelle. Ensuite on a Sepp Holzer, l'Autrichien, le fameux Autrichien. Comment t'écris ça ? Holzer, Sepp Holzer, Holzer, H-O-L-Z-E-R. Donc lui c'est le pionnier de la permaculture, enfin surtout il a fait un truc génial, c'est qu'il a fait un jardin maraîcher à 1600 mètres d'altitude. Ouais c'est ça, dans un climat là vraiment montagnard pour le coup. Et voilà. Il a fait de la pisciculture je crois avec. Alors, il fait de tout, bah, c'est ça aussi la permaculture, voilà, il y a de la pisciculture, il y a du légume, il y a des fruits, il y a des élevages de bêtes incroyables aussi, enfin voilà, c'est un tout. Mais là, c'est-à-dire que petit à petit, on va dire, on complexifie son écosystème et on trouve de nouvelles façons d'enrichir ton idée de départ. Ah exactement, voilà, c'est ça, c'est tout le temps par petites touches comme ça, on va multiplier, essayer de comprendre les interactions entre les différents êtres vivants en fait qui sont présents, qu'ils soient végétaux ou animaux, et en multipliant au maximum, en développant au maximum ces interactions là. En fait, il y a un petit principe à connaître que j'ai pas cité encore en permaculture, c'est que chaque chose que tu fais doit pouvoir servir à plusieurs choses. Et inversement. Exemple. Exemple, bah tiens, regarde, là j'étais en train ce matin d'écarter le paillage pour planter mes petits pieds de tomates là, et je trouve une tige sèche de graines de basilic qui a grainé là l'an dernier. Donc du coup, puisque je vais mettre du basilic au pied de mes tomates, eh ben j'ai pris cette tige sèche au sol, puis j'ai mis des graines dans mes trous. Et comme ça, en fait, au moment où je plante ma tomate, eh ben je remue en même temps la terre Tu vas planter ton basilic. Et je plante mon basilic, du coup, tu vois, sans autre effort, quoi. D'accord. Donc ça, c'est un exemple. Et puis ensuite, le deuxième principe, c'est que justement, chaque élément de ton système sert à plusieurs choses. Type le raisin qu'on a dit tout à l'heure, qui va nous donner du raisin. Donner du raisin, évidemment, puis embrer un peu les tomates en été, quoi. Donc là, en multipliant ça, ben, c'est infini, quoi. C'est vraiment... C'est toute la force de la nature. Ah ouais, puis intellectuellement parlant, c'est très très enrichissant du coup de chercher des solutions. Oui, parce que toi, c'est marrant, t'as un master d'histoire, hein, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et d'histoire médiévale en plus. Eh oui, oui, oui. Enfin, voilà, toute l'histoire, moi je suis passionné, ouais. Donc on a été au livre, hein. Holzer, ensuite quoi d'autre ? Holzer. Un voilà. Petit truc pratique plutôt que ces gros livres théoriques. Ah, bon, il y a de la pratique aussi, mais ouais, pratique, bah après moi je suis parti aussi sur tout ce qui est technique agroécologique, là sur du maraîchage intensif sur petite surface, qui ne parle pas spécialement de permaculture, mais ça donne des techniques. Il y a le jardinier maraîcher du Québécois Jean-Martin Fortier, et puis son maître à penser, on va dire, qui est Elliot Coleman. Donc là, c'est des Québécois qui ont mis en place des systèmes, justement, comme ça, sur des surfaces de 2000, 3000 mètres carrés, tout à fait rentables, où on enchaîne les cycles de culture très courts et qui permettent à un maraîcher, voilà, de vivre décemment. Ouais. Bon, super. Bah, écoute, merci Jérémy et bon vent pour tes tomates. Enfin, pas trop de vent pour que les serres ne soient pas envolées, mais on leur souhaite que ça pousse. Merci à toi. C'était l'ours et la carotte, écoutable sur internet.